Ouais, t'as l'air de bloquer mon boucher. Non, c'est parce que mon oreille gauche est complètement congestionnée pour ne pas dire moucher. Moucher, ben boucher, boucher, moucher. Mais fais-la moucher! Mais non, mais c'est pas un nez, c'est mon oreille. Pis, t'as jamais fait moucher une oreille? Perso, pas vraiment. Même le samedi, quand je suis très en forme, c'est très rare que je me mouche l'oreille. Mais, si tu me dis qu'on peut se moucher, ben mouche-toi, mon champion! Tout le monde se mouche au Québec! Oui, ça, j'ai rien contre, là. Surtout, c'est la période. Mois de janvier, la guédillonnée. Bon, je peux comprendre. Mais l'oreille... Ben oui, quand t'as l'oreille attentive, là, arrête de monologuer puis annonce ton émission. Ben, attends un peu, toi, là. Calme-toi. Ben, je me calme, mais c'est toi qui te calme pas. Hey! On a un public à satisfaire. À satisfaire. Ils nous écoutent comme des bêtes de cirque. C'est comme ça, au point, on est dans un cirque. On n'est pas dans un cirque, quoi qu'on n'est pas loin. La vie est un grand cirque, une parade comique, et nous sommes les clowns. On fait notre numéro. La vie est un grand cirque, une parade comique, et moi je suis le clown. Je fais mon émission. Janvier 2017. Monte le volume et hume la différence. C'est parti. Mais enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! La vie est un grand cirque, une parade comique. Toi, tu pourrais faire les tout-tout-tout. Si tu peux, à un moment donné, te mettre au diapason, là, vas-y. Bon, on va voir ce que ça donne, OK? C'est pas pire. C'est juste pas pire. Là, mais là, on va analyser si c'est bien. Si tu vas monter de strat, de pas pire à bien. C'est important de savoir si on va rester pas pire ou si on va monter à bien, même à très bien, à excellent ou à sublime. Sublime, là, c'est les étoiles. Avec ou sans Nietzsche. Hein? Philosophie à coup de marteau. Le cri, puisque les étoiles. On y va. La vie, c'est fait de tout, c'est fait de rien, c'est la chanson du quotidien, c'est un sourire, oui. Non. La vie, La vie, car là dans la vie est un grand cirque. Et wow. Pars au bon moment, s'il te plaît. Un, deux, puis le réverbo moteur, là, merci. La version stage, tu sais. Disons, quand on fait des spectacles, on se prépare sur le stage. On n'a pas de scène, nous, c'est le stage. Quand tu parles de stage, tu sens plus le rock and roll que quand tu parles de scène. Scène, ça fait variété. Ça fait Yves Montand sur la scène. Mais hey, est-ce que tu peux dire Daniel Boucher sur la scène? Non. Est-ce que tu peux dire Kate Kuna sur la scène? Non. Est-ce que tu peux dire les Rolling Stones sur la scène? Non, faut que tu dises stage. C'est très mauvais pour la langue française. C'est très mauvais puisque Brel sur scène, Juliette Gréco sur scène, Édith Piaf sur scène, Edith Butler en dessous de la scène. Mais oui! Vous l'avez pas vu la semaine dernière? Elle a chanté Yahoo! Paquet de ville pas manqué à marcher, tombé, pauvre fille, pauvre femme! Moi, je l'adore. Moi, j'ai comme une fibrillation lorsque je la vois. Je trouve que c'est Madame Pépé. Pas Pépé de Léo Ferré, c'est l'autre Pépé. La femme qui est stimulante. C'est stimulant l'entendre. Je l'ai déjà... Ah, arrête de... Ah, mais... Elle a déjà inventé des instruments de musique, Madame Butler. La vie, c'est une scène après le show. Quand à la fin de ton dernier micro, tu restes seul dans le silence en espérant une autre chance, mais la scène ne connaît pas ça. Vas-y, si tu veux gagner ton pari, faut que ça pleure, faut que ça rie. La scène a mis tous ses atouts, mais elle t'attendra au détour si tu n'as pas assez d'amour. La vie est un grand cirque, une parade tragique, et nous sommes les clowns. On fait notre numéro. La vie est un grand cirque, une parade comique, et nous sommes les clowns. On fait notre numéro. Alors, fais ton numéro, Raymond. 418. Ça, c'est la région de Québec. 418. 6, 2, 6, 6, 6, 6, 6, 6, voyons donc. 418. 6, 2, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Mais je me dégonfle à chaque fois, moi. Je suis un dégonflé. Non, mais il y a des gens comme ça, tu peux pas vraiment comprendre. Lorsqu'ils parlent, on dirait qu'ils cillent. Puis ce cillement-là te fait ciller de la pupille sicilière. Hein, sicilière. Demain, tu comprendras. Mais là, c'est sicilière. Hier, demain. Hein, sicilière, demain. Bon. OK. On reste tranquille. Public, bonsoir. Bonne nuit. Comment ça va? Et avez-vous entendu le chant de l'hirondelle? Es-tu malade? À minuit 10, entendre... Non, c'est pour être précis. Il est minuit 9 et 35 secondes. Entendre un bruit d'hirondelle? Mais oui. Oui, dans ta tête, ça peut être n'importe quelle heure. Ah, oh, t'as raison, mon Raymond. Mais oui, mais moi, j'ai toujours été dans ma vie un incompris. Oh! C'est une divulgation. Non. Je le sais, je l'ai toujours su, mais je ne veux pas en parler à tout le monde. Ben là, à CKRL, tout le monde le sait. Ah, oh, je je le sais. Moi, je suis comme ça, je suis un grand livre ouvert. Un grand livre ouvert à la page 69. Oh! OK. Alors, il y a des gens comme ça. Non, c'est ça, c'est des blagues de cabaret. On m'a demandé, alors, Reynolds. On me demande ça souvent. On m'arrête dans la rue, on dit, Reynolds. On t'arrête dans la rue. Ben, je m'arrête, moi, dans la... Oui, je m'arrête, puis... Les gens continuent, là, mais je m'arrête. Bon, tu t'arrêtes, mais pas, c'est pas les gens qui t'arrêtent, c'est toi qui t'arrêtes. Arrête-moi ça, toi. Lâche-moi le pompeux, puis ça va bien aller, là. Je m'arrête. Il y a des gens qui m'arrêtent. Oh, c'est qui? Normalement, c'est une voiture. Lumière rouge, arrête. Arrête. Arrêt respiratoire, arrêt. Elle reste tout près de chez moi, je l'ai observé. Ma voisine. La belle chanson de la voisine. Le chat, la voisine. La connaissez-vous? Le chat de la voisine, pas... Le chat de ma voisine qui a mis ses becquepinés, qui fait ses ronrons, se le balai dans ton don. Le chat de la voisine qui a mis la belle cuisine, il ne peut pas les chats. Il est touchant le chat. Il est touchant les chats. Non, pas celui-là. C'est une chanson plus reggae qui s'appelle Chat. Non, la voisine, le chat, touché de la... Ah oui! Toucher la chatte à ma voisine. Bon, on est dans chanson populaire. C'est quand même intéressant. Ça touche la grivoiserie, mon Raymond. Alors, on parlait de, tu sais, il y a des individus qui parlent, puis c'est là, ça cille, tu dis, voyons donc. Soit que c'est comme Jane Birkin, hein, ils ont une petite barrière en avant, là, en fait, un vide astral qui laisse passer le vent. Les deux sont un peu dissociés. Pour se rencontrer à travers les mots. Des crônes, mais comme Jean, c'est égal, mais dispersé en avant. Il y a comme une petite gestion dessus. Ça laisse, mais elle, elle ne cécile pas. Mais il y en a qui cécile. Cécile, ma fille, ma fille. On dirait presque Claude Nougaro, hein? Un dimanche soir à l'église, en sortant de l'église, qui cécile sa Cécile. Ça manque juste, non? Il faudrait juste qu'il soit sicilien. Mais non, c'est un Toulousain. Pas un Italien, ce gars-là, là. Je suis d'accord, mais j'en ai le reste. OK, non, c'est pas ça. Mais l'histoire veut que... Oh, ça tremble là dans la garlotte, hein? J'ai des coups de... Bon, pas juste des coups de... J'ai des coups de... Non, de genoux. Quand mon genou touche mon bureau, tout est sur mon bureau. Là. Je vais vous expliquer parce que c'est radiophonique, mon affaire. Moi, j'ai une affaire radiophonique. Qui capte le son. Qui capte. Ah! Je voudrais partir. Il capte d'autres ondes. Mais je le ferai pas. Oh, deuil, ils n'ont jamais compris tout ce que j'ai écrit. Donc, si je balais un peu comme une caméra, de gauche à droite, comme je suis de gauche, on va se gâter au début, il y a mon numérique enregistré. Pardon? Non, mais c'est parce qu'on a sauté mon bain en même temps que je parlais, donc ça fait comme un... En avion, un coussin d'air. Pas un coussin d'air, voyons donc, toi. Comment ça t'appelles un coussin d'air? Tu rentres dans... Okay, t'es dans un voyage. Pas un voyage, un voyage dans l'avion. OK? Puis là, à un moment donné, il y a du vent. Du vent ascendant, descendant, bon, pénétrant, interpénétrant. Du coup, ça, c'est trop sophistiqué pour que tu puisses comprendre, mon Raymond. Donc, il y a des poches d'air. Des poches. Comme toi. Mais d'air. Toi, toi, t'es poche tout à fait, mais poche dans le sens professionnel de la poche, là. Tu joues à la poche. Jeu de poche. Il comprend rien. C'est genre, non. On a, non, mais écoute, on le paye pas. On demande pas de... Non, non, c'est du bénévole. C'est du bénévole, puis... En plus, c'est un bénévole pas révolté. C'est un mouton très, très facilement téléguidable. Là. On dit va à gauche, il va à gauche, va à droite, va à droite. Vote droite, il va te dire votant. Parce que n'importe quand... Dans n'importe quel... Il a l'air de rien, lui. Mais quand tu dis droite, là, ça rentre pas dans sa tête. Lui, droite, là, ça n'existe pas. Il n'y en a pas de droite pour lui. C'est gauche. On appelle ça de l'endoctrinement. L'endoctrinement rénaldien. Exactement. Pour tout ça, pour tout ce préambule, hein, qui quand même me semble que ce préambule branle de la manche, mais ne tombera pas. Ça m'arrive de branler de la manche. De la grande manche jusqu'à la contrescarpe. Non, pas cette manche-là, l'autre manche. Pas dans le sport. C'est quoi dans le sport? On parle de manche. C'est du... non, c'est du baseball. Hein, il y a des manches au baseball. Et puis, dans la chemise aussi, avez-vous... Hey, moi, mon sport préféré, c'est la chemise. Il y a deux manches. Puis, un collet. Quand même. C'est comme une bière. Il y a un collet, puis... Il y a un collet. Pardon? Parlez entre vous, là, c'est le temps. Là, dites, voyons donc, restez calme. Bon. Alors, c'est ça. À travers les dents séparées à la Gin Birkin, mais même, il y a plein de personnes. Il y en a même qui sont pas. Qui n'ont pas de trou entre les deux. Là, puis, Cécile. Moi, je l'ai fait. Mais, Cécile, puis tu comprends pas trop ce qu'ils veulent dire. Moi qui travaille encore pour quelque temps, mais j'espère pas très longtemps, on souhaite toujours on souhaite le meilleur du meilleur. C'est rare que... Écoute, reste dans ta médiocrité, évolue dans la chute infinie. Tu vas voir que c'est long, l'infini. Tu finis plus. Dans l'infini, tu finis plus. Tu finis plus par finir. C'est comme Kant. Quand tu lis Kant, là, ça finit plus. Ça finit plus l'interprétation que tu peux avoir selon moi, là, selon tes connaissances, selon ton magasin de savoir. Du savoir. Parce que ton magasin, pas celui là, de mon ami, ami, mais c'est un grand mot, quand même, Marx. Pas celui-là, là. Non, non, non. Le magasin intellectuel, le magasin où tu peux écouter de la musique, entendre des paroles, lire de la poésie, écrire ce que tu veux. En fait, tout le monde artistique, toute la création artistique, ça peut faire partie de ça. Mais là, on m'a parlé de la personne qui a comme une... Cécile, puis c'est pas de sa faute. Puis ça donne un style incroyable pour une fille, là. Pour moi, là, c'est... Ouh, c'est gagnant. Tu l'écoutes, là. Ouh. Après deux minutes, là, t'as plus... Mais pour les gens qui portent des lunettes, là, tu la vois plus. Mais tu te laisses imbiber par sa salive. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine prochaine? Qu'est-ce qui s'est passé la semaine prochaine? Comment je peux le savoir? C'est même pas encore passé! Oh, mais la semaine prochaine! Ah, oh, t'es une voyante! Se voit! Puis là, si je postillonne autant, là, mon micro peut prendre en feu à cause de l'humidité que je lui procure à extrême... extrême quoi? Moi, je placerais ça simplement à extrême humini. Comment? Humide, oui, humidité. Extrême humidité. Oh, OK. La personne en question que je vois entrer dans l'établissement dans lequel je bosse, j'entends, moi, j'entends parce que j'ai comme j'ai dit au début de l'émission, mon oreille gauche, quelquefois, se bouche à moi, peut-être à 20%. Donc, il y a 80% qui fonctionne, mais il y a 20%. Donc, on dirait un voile sonore que j'ai à gauche. Donc, la fille était là, de ce côté-là, puis elle me dit, j'entends. Est-ce que le boucher peut me préparer de la salive de veau? Fait que moi, je dis pardon. C'est une cliente que je connais, là. T'sais. Je connais. On se connaît. Bon. On fait des affaires, mais bon, c'est naturel. Client, nous autres, on est proche de notre clientèle. Fait que, proche. Je suis né à 23h, mais. On va prendre une bière chez elle. À un moment donné, ben, on s'endort. Je me réveille. On est ensemble. Comme ça se passe dans le milieu. Tous les gens qui sont dans cet environnement-là pourront bien sûr attester de ce que je viens de dire. Donc, 2-3 semaines après que l'événement que je viens de vous dire... Ça se passe, hein? Bon, ça se passe à un moment donné, puis bon. Ils viennent te revoir, puis, tu sais, ils sentent aussi la proximité de coucher avec moi. Il y a peut-être des affaires qui vont se passer. Le courant, longueur d'onde. Des fois, tu te dis, ben là, longueur. Vient-temps, oui, moi, tu me dis, vient-temps, j'arrive, comme disait Brel, puis il n'y a pas de problème. Fait que, mais des fois, j'ai pas le. La machine qui décode. T'sais, j'ai pas le décodeur. Quand t'as pas le décodeur, t'as souvent le déconneur qui est là. Fait que moi, j'avais le déconneur. J'entendais de la salive de veau. J'ai dit, ouais, mais là, le boucher, comment il peut trouver ça, de la salive de veau? Je suis comme Bambi, moi, là, à un moment donné, dans des certaines situations. Peut-être dans le milieu de la boucherie, on peut trouver de la salive de bœuf, de veau. Puis ça peut se vendre de la salive de veau, mais qu'est-ce que tu veux faire avec la salive de veau? Une soupe! Non, j'ai une soupe! Qu'est-ce que tu veux faire? Et là, je me posais la question, ça remplace-tu le beurre? Est-ce que de la salive de veau, c'est gras? Si c'est gras, ben écoute, ça remplace n'importe quel corps gras, puis ça donne du goût, c'est du veau. De la salive de veau, j'ai jamais... Là, je me suis interrogé. Pourquoi dans ma vie, je me suis jamais fait frencher par un veau? Pour savoir, écoute, c'est sucré, c'est salé, ça donne quoi, tu sais? Si je ramasse dans mon spaghetti, jus de légumes, si je rajoute de la salive de veau, ça peut être révolutionnaire. Je peux sortir une sauce à spaghetti à la salive de veau. Là, je l'ai fait répéter, malheureusement, 3-4 fois. Là, mais comme fâchée, elle bombe le torse. Puis je me suis rendu compte quand j'étais avec elle, à un moment donné, à la soirée, qu'elle avait un torse assez puissant. Je me demande encore pourquoi elle n'a jamais chanté dans des chorales. Elle a un torse tellement... Là, elle n'a pas dit de la salive de veau. Après l'avoir entendue, là, je lisais sur les lèvres, sur ses lèvres, au niveau buccal. Exactement, je devenais de plus en plus bucolique, oui. Parce que je saisissais. Mais j'avais aucune timidité, là. Tu prononces mal, ma petite fille. Fait que, attends-toi que je suis à la réception aussi ignorant qu'une fauve sceptique. Ça, une fauve, F-A-U-V-E, sceptique. Hein, voyons donc. Bon. Elle n'a pas demandé de la salive de veau, mais 10 salives de veau. Non, mais salive, 10 salives, de la salive, 10 salives. On n'est pas loin. pas loin. C'est le tango des bouchers de la Villette, c'est le tango des tueurs des abattoirs. Venez cueillir la fraise et la mourette et boire du sang avant qu'il soit tout noir. Faut que ça saigne, faut que les gens aient à bouffer, faut que les gros puissent goinfrer, faut que les petits puissent engraisser. Faut que ça saigne, faut que les mandataires aux halles puissent enfourrer plein la dalle du filet à 800 balles. Faut que ça saigne, faut que les peaux se fassent tanner, que les pieds se fassent paner, que les têtes aillent mariner. Faut que ça saigne, faut avaler de la barbaque pour être bien gras quand on claque et nourrir des vers comac. Faut que ça saigne bien fort. C'est le tango des joyeux militaires d'Hiroshima, du Kenwald et ailleurs. C'est le tango des femmes battant guerre. C'est le tango de tous les fossoyeurs. Faut que ça saigne. Appuie sur la baïonnette, faut que ça rentre ou bien que ça pète, sinon t'auras une grosse tête. Faut que ça saigne. Démolisant quelques-uns, tant pis, si c'est des cousins, fais-leur sortir le raisin. Faut que ça saigne. Si c'est pas toi qui les crèves, les copains prendront la relève et tu joueras la vie brève. Faut que ça saigne. Demain, ce sera ton tour. Demain, ce sera ton jour. Plus de bonhomme et plus d'amour. Faut que ça saigne bien fort. Nous avons eu la grosse Charlotte, Mimi de Vannes et la Zonzon, qui arrosait chaque soir sa motte au cognac et au Marsala, au cognac et au Marsala. Nous avons eu Marie Ficelle, qui revenait de Douala, qui revenait de Douala, et qui ch'touillait le colonel. De jolies putes, vraiment, et un vraiment bien beau bordel. Même Cadacar, ça je peux le dire, il n'en avait pas de pareil. Il n'en avait pas de pareil, il n'en avait pas de pareil. Nous avons eu Lulu mange tout, Nana Frisson et Miss Poil Poil, celle qui rendait les hommes fous quand elle dansait avec ses voiles, qui cachait même pas son père ni ses six poils de salsifis. Nous avons eu Nini Donfleur, nous avons eu Nini Donfleur, et Rita, et Rita, et Rita qui pissait au lit. De jolies putes vraiment, il y a vraiment bien beau bordel. Même Cadacar, ça je peux le dire, il n'en avait pas de pareil. Il n'en avait pas de pareil. Il n'en avait pas de pareil. Nous avons eu bébé Fortiche qui était tatoué de bas en haut. Elle avait des cœurs sur les miches et les noms de nos généraux calligraphiés sur sa praline, calligraphiés sur sa praline. Nous avons eu Mademoiselle Monsieur, un ancien paradis d'Auchine, un ancien paradis d'Auchine qui avait vraiment pas froid aux yeux. De jolies putes vraiment et un vraiment bien beau bordel. Même que Dakar, ça je peux le dire, il n'en avait pas de pareil. Il n'en avait pas de pareil. Il n'en avait pas de pareil. De jolies putes vraiment, et un vraiment bien beau bordel, même Kadaka. Il n'en avait pas de pareil. Non, il n'en avait pas de pareil. Moi je me fais du cinéma sur l'écran noir de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma et je t'emmène au cinéma. Le cinéma belge laisse souvent des jeunes réalisateurs sans beaucoup d'expérience l'opportunité de réaliser un premier film. Le Chignon d'Olga du cinéaste Jérôme Bonnel demeure un exemple réjouissant de cette nouvelle génération qui tente de se frayer une place dans le paysage cinématographique. Le film émane un positivisme rassurant. Les dialogues naturels et quelquefois improvisés s'apparentent par moments au cinéma vérité. Dans cette approche de dévoilement, Jérôme Bonnel amène le cinéphile au stade du spectateur-acteur et cette méthode incorpore ce dernier dans les événements projetés sur la surface écranique pour le plus grand plaisir de celui-ci. Le secret profond du Chignon d'Olga, c'est Olga elle-même. Le fantasme qu'elle procure, autant chez Julien que chez le spectateur. Le réalisateur parvient, grâce à l'esthétisme, à évoquer une sensualité, une proximité et une envie, celle de toucher la jeune fille. Avec les ralentis et sa nuque, Raymond, attends un peu. Calme-toi. Je sais que là, ça t'excite, là. On dit des moments stratégiques du film, puis là, tu... Non. Prends ça, Moumou. Moumou, mon bobo. Moumou, mon bobo! Maman, bobo! On y va. Le secret profond de... Non, mais c'est comme ça. On parle de cinéma, puis... Ça vient nous chercher! Le secret profond du Chignon d'Olga, c'est Olga elle-même. Le fantasme... Oui. Oui, mais là, si vous parlez en même temps que moi, Madame Giraudeau, une personne à la fois. Si vous voulez parler, je vous écoute. Allez-y. Bon. Voilà. Alors là, maintenant, tranquillité, s'il vous plaît. Ouvrez l'oreille. Merci infiniment. C'est presque terminé. OK. Le secret profond du Chignon d'Olga, c'est Olga elle-même. Le fantasme qu'elle procure autant chez Julien que chez le spectateur. Le réalisateur parvient, grâce à l'esthétisme, à évoquer une sensualité, une proximité et une envie, celle de toucher la jeune fille. Avec les ralentis sur sa nuque, ses courbes et sa peau, Olga devient l'objet. Le fétichisme même du film. C'est par elle que le récit dramatique s'élabore, se structure et prend forme. À la présence de ce regard infiniment pudique, arraché à l'image, cette image troublante, cette projection du réel, cette frustration jamais palpable, se découvre un climat à la fois romérien et balzacien. Le Chignon d'Olga montre notre... Non. En épilogue. Le Chignon d'Olga montre, note et souligne cette explosion optimiste qui laisse croire qu'il y a encore de l'espoir dans le septième art et par le fait même pour la vie. Car le cinéma n'est-il pas cette résurgence qui recrée ce mouvement vital? Bon, silence. Ready when you are. Bon, silence. Silence. Philippe, tu es prêt? On est prêt? Oui, monsieur. Moteur. Moteur demandé. Ça tourne? Cadré? Oui, monsieur. Ça tourne. Action! Cinéma. Aujourd'hui, le 20 janvier 2017. Oh, hey, t'as vraiment suivi le diapason, c'est merveilleux, on dirait une émission professionnelle. On dirait Paris sous l'été, on dirait Québec sous l'hiver, on dirait les glissades d'antan et les traîneaux autour jalopant. Des traîneaux jalopants. Alors, jaloper, verbe jaloper. Rapidement comme ça, pour moi, là, c'est premier groupe. Jaloper. Comment t'écris ton jalopé, mon ami? Tu savais pas comment me nommer, hein? Ben, je sais jamais comment nommer les gens qui sont aussi extravagants. Jalopé. Jalopé, oui. Jalopé. Jalopé. Jalopé. Ben oui, vas-y, jalopé. Ben, jalope toi aussi. Ben, oui. C'est vrai, hein? Jalope depuis au moins 45 secondes. T'as bien raison. C'est intéressant de jaloper. C'est quoi? C'est comme galoper? Non. Jaloper! Ben, épelle-moi-le, puis je vais regarder. Tu vas regarder où? Ben, je vais regarder dans ma tête. Ok, regarde dans ta tête, moi. Ben oui, mais épelle-moi-le. Non, mais regarde dans ta tête. Ben, moi, regardez, là. Mais comment t'écris ça, jaloper? Ben, hey, wow. Déjà là, quand c'est des mots qui sont un peu plus recherchés, oh, jalopé et recherché. Oui. Par qui? Ben par, écoutez, déjà là, l'institution francophone est à sa recherche. Claude Poirier ouvre déjà son dossier. Claude Poirier a ouvert son... Oui, il y a le dossier de jalopé. De jalopé. Jalopé. Jalopé Tremblay. Ah, jalopé. Ah, ben ça, c'est un nom. Ah oui, mais jalopé, ça peut être plein de choses, jalopé, là. Calme-toi un peu. Ça vient pas d'une insignifiance quelconque. Ça vient d'une invention d'un cervelet internationalement ouvert à la francophonie. Comment l'international peut être francophone? On dit à nos jeunes dans les universités, l'international, c'est anglophone. Puis là, c'est presque plus vrai, là. Presque plus vrai. Ça vient de l'Orient. Fait que comment tu peux dire international et associer international à francophone? C'est une question intéressante, là, ce soir. Là. On développe pas grand-chose. Moi, j'ai développé un mal de tête depuis 38 minutes et 47. Ah oui, mais là, c'est normal. Tu cherches trop, toi. Tu cherches trop. Tu sais, c'est bien beau avoir un petit hamster, là, mais il faut le tranquilliser à un moment donné. Il faut lui faire du surplace. Puis quand il fait du surplace, ben, il te calme un peu le tympan, puis les manèges, les manèges. Tu sais, c'est même beau aller dans le cirque. On a parlé du cirque, là. Tu sais, l'homme qui commande son carrousel, il sait très bien l'arrêter à un moment donné, là. C'est pas parce qu'il est arrêté qu'il réfléchit plus. Il peut être comme sur un lac. Tu sais, il y a de la gorgotte. Dans le lac, il y a de la gorgotte. On ne peut pas oublier ça. Il y a des nénuphars. C'est bien certain, au mois de janvier, on est extravagant, là. Non, mais c'est quand même intéressant. Quand on nous dit, en relaxation, quand tu fais du yo-yo, moi, je fais du yo-yo pas trop souvent, là, parce que je vire yo-yo. Puis quand je vire yo-yo, ben, je me sens comme une nouille. J'attends qu'on me rajoute une noya, puis je me dis, il manque peut-être un peu de viande. Ben oui, mais là, après ça, ben tout se mêle ensemble. C'est bien, tout arrive. Tout attend, tout va arriver, tout va se passer. Laisse le temps. Tu sais, un pot-au-feu, là, l'intérêt du pot-au-feu, c'est de laisse le ralentir. Laisse le péter à feu doux. À chaque fois, là, c'est des arômes là, qui rentrent dans tout ce que tu as préparé là-dedans. Là, ça sent bon, là, Gaétan le rentre, Germaine, Suzanne, Juliette, Françoise et Simone. Bon, quel que soit le nom qu'on leur donne. Qu'elles soient petites ou grandes, cheveux raides ou frisés, ben, on a toutes, sans doute, on a envie de toutes les embrasser. Mais hélas, que Dieu me pardonne. Parce que le bon Dieu, là, c'est lui qui fait pou, pou, pou, pou, pou, pourtant, il mêle tout ça, lui, là. La recette du bon Dieu, là, c'est du hasard. Mais hélas, que Dieu me pardonne, mon cœur appartient à personne. Mon cœur, là, il est comme dans un... Ça monte, ça descend, puis... Il sait pas se maîtriser. Et merci de m'avoir écouté. Hey, c'est beau, ça, là! Ben, écoute, ben, on fait des belles affaires ici, là. C'est pas juste du préfabriqué. Hey, j'ai... Il y a 3 semaines, on m'a amené à Québec sur des rues. Parce que j'étais avec une agente immobilière. Mais très mobile. Elle est mobile. Elle est immobilière, mais mobile, ça n'a pas de bon sens. On a roulé. J'avais... Puis même, elle m'avait averti, hein? Tu vas voir, elle m'a dit, écoute, toi, tu fais dans l'humour. Ben là, actuellement, là, je pense que je vais faire dans mes shorts. Ben oui, je fais dans... Normalement, c'est de l'humour. Mais tu tournes tellement. Ben oui, mais je... Elle avait le... Tu sais, elle connaissait le volant. Puis aussi le manche, elle était manuel. Ah, Saint-Tabarnouche. Elle pompait, tu sais, elle savait, ça, en tout cas, c'est merveilleux. Et puis là, elle me dit, bien écoute, on va rouler, je vais vous montrer. Elle vous voyait au début. Ils sont timides comme ça. Hein? Non, mais les agents sont comme ça. Ils sont timides, puis après ça, ils, comme quand ils sentent que le portefeuille est plein, ben ils vont pomper pour acheter, pour retirer tout ce qu'il y a. C'est une autre histoire, ça. Fait que là, la dame que j'avais rencontrée dans mon établissement dans lequel je peux avoir de la salive de veau, c'est pas pire. Là, elle me dit, je vais vous montrer, je vais te montrer à un moment donné, tu sais, on lâche le vous, puis on tombe dans le te. Hein? Dans le te. On vous à te. Vous à te. Oui, on soulève. Mais vous avez raison, Mme Thibodeau. Ben, regardons, c'est épouvantable ce qu'on vient de dire là. Mais du vous. Vous-tu. Vous-tu, vous... Les jeunes qui n'ont pas aucun vocabulaire. Voulez-vous-tu avoir un sac? Là, tu dis, voyons donc, c'est à qui? C'est à moi, à elle, à lui, à eux. Voulez-vous-tu? Ça fait que là, on tombe au-dessus, donc à l'intimité. Je vais te faire voir des rues où les maisons sont préfabriquées. Hein, ça, c'est hallucinant, là. Une rue de 15 maisons pareilles. Et que là, je me disais, quand la personne l'achète, pourquoi elle prend celle-là au lieu de celle-là quand tout est pareil? Hey, je conseille aux voleurs, allez dans le préfabriqué. Vous allez tout connaître, la chambre à droite, la nuit à gauche, tout est pareil. Tu casses la vitre, la cinquième maison, c'est la même vitre. Tu casses... Tu fais un coup à 35 degrés de choc, pouf! Tu sais comment ça casse. Toutes les maisons en fil, tu peux les casser, pouf, pouf, pouf! Préfabriqué, c'est épouvantable! Il y a de la musique comme ça, préfabriqué. Il y a des chanteurs, des chanteuses préfabriquées, je peux vous en nommer! Mais j'ai pas jusqu'au mois de mai. Linda, je suis... Ouais, est-ce que j'ai pas jusqu'au mois... Linda, mai, Linda... Il y en a d'autres. Mario. J'ai demandé à Mario. Mais là, je ne pouvais pas y parler. Il y avait tellement de chats autour de lui. Je disais, hey, pèle tes chats. Mario, pèle tes chats, puis tu me parleras après. Aujourd'hui. Le vendredi. On délibère pas, nous. On catapulte. C'est l'émission qui tape... Qui quoi? Catapulte. Mais tu voulais pas enchaîner sur autre chose? Non, moi, trop de chaînes, là, ça rouille. Ah, mon doux. Puis tout le monde sait que la peinture à l'huile, c'est bien difficile, mais c'est bien plus beau que la peinture à l'eau, parce que ça dégouline pas de rien. Tu sais, tu regardes une œuvre, là, à la peinture à l'eau, oh, c'est épouvantable, là. Tes larmes font sèche, hein, font couler les couilles. Ah, mon doux. Puis là, ça devient peut-être plus beau quand tu pleures dessus. Tu sais, quelque chose d'un insignifiant. La peinture à l'eau, quand tu pleures, mon copain, il se croit qu'un grand peintre, il se prend pour le... Je peux pas les nommer, mais Van Gogh. Non, c'est Van Gogh. Il se prend pour Van Gogh. Tu sais, il met du vert, du bleu. Puis c'est à l'eau. Puis là, avec la pleure, puis là, ça se mélange, le rouge, le bleu, le. Ah, mon Dieu, elle dit, ah, c'est bien plus beau. Ben oui, c'est bien plus beau que la peinture à l'eau, mais là, quand tu pleures dessus, la valeur augmente. C'est de la compréhension mentale, là. Mentale. En tout cas. 20 janvier 2017. L'errance. Les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de zones. Hein? De zones. Qui zone? Hey, ça zone, ce monde-là, dans nos entreprises, ça n'a pas de bon sens. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref. Apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous enrober dans un environnement narratif, unissons-nous autour de mon ami Frank Mas, que nous aurons pendant 2 autres semaines. Donc, c'est merveilleux. On s'étale comme le bon beurre. Il est né il y a quelques semaines à peine. C'est un auteur, metteur en scène et scénographe, architecte d'intérieur de formation, diplômé de l'École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'art de Paris. Parallèlement, il suit à l'École nationale des arts décoratifs un enseignement en histoire de l'art contemporain. Il poursuit une formation de philosophie à la faculté de Tolbiac. Il se tourne rapidement vers la scène et crée à San Francisco l'opéra contemporain Without Ourself. Ourself, du compositeur et rechercheur. Et moi, je cherche un rechercheur. Mais un rechercheur, ça recherche plus. Ça cherche, mais ça recherche pas. OK. Take left. Walk, walk, walk me home. Let me live my life on home. Crossroads, where we at? You go right, I take. Halfway down the cliff. No way up, no way back. Stuck in the middle, I'm stuck in the middle, I'm halfway down the cliff. No way up, no way back. Stuck in the middle, I'm stuck in the middle, I'm second I let go. Talk, talk, talk me not. Got my brain, stand by mode. Left half, right half, none is responding. Oh! Slippery, slippery, slippery, slippery, slow. Slippery, slippery, slippery, slippery, slow. Slippery, slippery, slippery, slippery, slow. Slippery, slippery, slippery, slippery, slow. Il est 15h28. Mais si tu veux répondre à tes... Non, je vais éteindre. Ok. Mais je vais pas... Voilà. Alors, Frank, bonjour. Bonjour, Renald. Comment ça va? Il va bien. Je te remercie. Ça va, et toi? Moi, ça va très bien, merci. Ça va très bien. Et je suis très heureux de te rencontrer parce que je, à travers des amis en commun, ton nom revient souvent. Ah bon? Pourquoi tu es surpris? Bah parce que je sais pas dans quelle mesure ce que mon nom véhicule est positif ou négatif, donc j'attends que tu me donnes la réponse. La création est toujours quelque chose d'assez intéressant puisque de un, on peut pas plaire à tout le monde. Ouais. De deux, il faut frayer son chemin et se créer peut-être un style ou une façon d'avancer à travers tout ce qui se passe actuellement. Tu veux pas retirer tes lunettes parce que je te vois pas? Enlever mes lunettes? Ouais. Parce que j'ai une conjonctivite, mais j'ai juste à mes yeux. Mais regarde, voilà. Ah, voilà. Mais ça me dérange pas. Merci. Ok? D'accord. Ok, excellent. C'est parce que toi, c'est important. Mais non, parce que je te vois pas. Ben là, tu vas voir. Ben, d'accord. Tu vas voir la flamme. La flamme. En fait, moi, ce qui m'a intéressé, c'est le parcours que tu as fait parce que tu as été. Tu as enseigné. Oui, aussi. Hein? Mais comment tu sais tout ça? J'ai un recherchiste extraordinaire qui est moi-même. Avec Internet, on peut tout savoir. Ah oui, d'accord. Toi, tu as fait une école des Beaux-Arts, c'est bien ça? Non, j'ai fait l'école Olivier de Serres. Ah oui, Olivier de Serres, pardonne-moi, oui. Ouais. Mais à l'origine, qu'est-ce que tu voulais faire de ta vie? Enfin ou... Je sais ce que je ne voulais pas faire. Ok. Et c'était... Je ne voulais pas travailler de nuit et je ne voulais pas être commerçant. Imagine, j'ai travaillé 28 ans de nuit. C'est vrai. Ouais. J'ai une image du travail de nuit qui est très personnelle, mais qui a véhiculé des choses qui m'ont convaincu de ne jamais travailler de nuit. Pourquoi? Mon père travaillait de nuit et j'ai vu combien c'était difficile. On vit 10%. La vie d'un homme ou d'une femme qui travaille de nuit est diminuée de 10%. Écoute, c'est sympa, je vais en parler à mon père après l'interview, ça va lui faire plaisir. En même temps, on n'est pas fait pour durer, hein. On n'est pas fait pour durer, mais cette information, je pense, va le réjouir. Mais ça dépend de... Parce qu'il y a des gens qui travaillent de nuit qui ne pourront jamais arriver à vivre de jour, donc... Ah oui, mais si, lui, il est à la retraite maintenant. Ok, il ne travaille plus de nuit. Non, il s'en est sorti. Il est au grand jour maintenant. Oui, c'est ça, enfin. Ouais, il peut vivre comme tout le monde. Il a peut-être manqué un bout de sa vie en travaillant ici. Je ne sais pas, il faudra que tu lui poses la question. Et toi, en fait, tu ne voulais pas suivre le chemin de ton père? Non, je c'est une boutade. Ok. Non, j'ai toujours voulu... Très vite, j'ai senti que j'avais un goût particulier pour les arts. Quand c'était par un qui t'amenait au théâtre Je suis venu au théâtre, mais par hasard. Par hasard. Je dois dire que je n'aime pas le théâtre, étonnamment. Je n'aime pas le théâtre. Comme on le voit actuellement ou comme on le voyait à l'époque? À mon sens, on le voit trop. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a, je crois, une... En tout cas en France, que je ne connais pas les autres pays, je crois qu'il y a, à l'inverse de ce qui a pu se développer à partir des années 80, avec la création des centres chorégraphiques nationaux, où la danse a ouvert ses modes d'expression en dehors de la dictature du classique qui a régné jusque dans les années 70-80, qui était la seule référence de la danse, qui est une danse que j'adore, parce que j'ai pratiqué la danse classique quelques années, et c'est une technique et une rigueur et quelque chose, une école de pensée, de vie qui est magnifique. Mais je crois que le théâtre aujourd'hui, pour moi, il a un siècle de retard. Il a un siècle de retard. Il n'a pas suivi cette espèce d'engouement qui avait été impulsé par les politiques culturelles qui dans les années 80 ont commencé à régner à partir de Jack Lang, si tu veux, qui a complètement réouvert ça sous l'impulsion de Mitterrand. Et il y a eu une espèce de gros dépoussiérage. Et je crois que la danse s'est découverte, c'est a explosé à partir des années 80. Et c'est vrai qu'il y a un conformisme, j'allais presque dire qu'il y a un conservatisme. Okay. Plutôt qu'un conformisme, il y a un conservatisme. Mais ça, je pense que c'est lié à la forme littéraire du théâtre. Mais on ne peut pas, parce que aussi tu es scénariste, tu écris des scénarios. Alors les scénarios, enfin, je ne sais pas ce que. Peut-être que le terme que tu emploies n'est pas le terme que j'utilise. Okay, vas-y. J'écris des pièces. Oui. Tu appelles ça des scénarios, c'est ça? Ben, des histoires. Tu veux raconter des histoires? Qu'est-ce que je raconte? Est-ce que je raconte des histoires? Je raconte des moments. Ok. Je raconte des moments. Des moments intimistes ou des moments de la vie? Non, je raconte des traversées de sensations. Je raconte des doutes, je raconte des quêtes. Est-ce que c'est des doutes? Est-ce que c'était une doute? Bah oui. Oui, de fait. Est-ce que tu connais Robert Lepage? Qui ne connaît pas Robert Lepage? Crois-tu que... Là, vous êtes parti loin, hein? Oui, j'aime bien le voir plus devant. Oui, non, c'est parce que c'est plein, c'est rempli. Ah, ça y est, ça vient de se vider. Ah oui, ah, bah écoute, on va quand même rester parce que les micros sont plantés. Allez, marche. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez boire? Un café. Café à verre d'eau. Alors, moi, c'est quand même... C'est mon deuxième café si je veux dormir. Troisième, vous avez pris trois tout à l'heure. Deux tout à l'heure. Deux, ouais. Puis le... Puis... Le prochain. Ok. Mais je vais prendre une blonde, s'il vous plaît. Une blonde? Oui. Donc, oui, Robert Pache, alors, crois-tu que ce gars-là a désacralisé un peu le théâtre, l'a amené ailleurs? Puis on va revenir un peu, parce que tu me disais que... C'est pas qu'il a désacralisé, c'est qu'il est à la place où le théâtre doit être aujourd'hui. Et c'est ce que tu recherches, toi, actuellement? Non, pas voilà. De faire du Robert Lepage, mais... Non, je cherche, c'est simplement développer mon travail. Okay. Voilà. Aussi simplement... voilà, j'essaie simplement de développer mon travail. Est-ce que tu te considères comme un artisan? Non, et oui. Alors... Oui, parce que je travaille tous les jours. Pas grave. Mais que l'artisan... Il a un geste maîtrisé qu'il va répéter. Il a une maîtrise du geste pour arriver à un objet dont il pressent la forme finie. Or, moi, je ne sais jamais la forme finie que je vais avoir. Donc, je ne peux pas me considérer comme un artisan. Et que je n'ai pas ce beau geste que je répète. Je suis uniquement guidé par des pulsions, par des sentiments, et que ces sentiments-là sont les matériaux premiers qui vont guider l'écriture, qui vont guider, mais je ne répète pas ces sentiments, ils me viennent. L'artisan va répéter le beau geste, un geste pour qu'il devienne beau, pour qu'il devienne sûr, et cette certitude-là, d'abord je ne la connais pas, et je ne la connaîtrai probablement jamais. Donc je ne suis pas un artisan. Ce qui m'intéresse dans ce que tu viens de dire, c'est que tu sais le départ, mais tu sais pas où tu t'en vas, non. Je sais jamais. Donc c'est le déséquilibre de l'écriture. C'est pas le déséquilibre, mais enfin déséquilibre. Marcher, c'est une forme de déséquilibre permanent. Ouais. Voilà. Alors si on peut utiliser la marche et le déséquilibre, et ben utilisons cette métaphore là. Est-ce que tes personnages arrivent à te surprendre ou Alors c'est très intéressant comme question. Parce que ça développe l'idée du lâcher prise. C'est-à-dire qu'à quel moment on écrit et à quel moment l'écriture nous échappe. C'est très intéressant ça. Et c'est exactement cet endroit-là que je me sens le plus comblé. Pourquoi ? Parce que quand je travaille avec des comédiens ou des comédiennes, enfin plutôt des comédiennes, mon texte, je l'écris et il est guidé par une espèce de pulsation. But it feels like an elephant shaking his big great trunk. Ce soir, histoire de rire, et tu peux me croire sans réfléchir, comme ça pour boire et sans prévenir, j'ai dit aux copains, on va chez Lucien, quelle chance que t'as d'avoir Lucien, un vieux copain comme moi. Tu peux te vanter lorsque j'y pense, d'avoir de la chance, tu sais, mais tu ne dis rien, tu me laisses parler, je te connais bien. Tu me fais marcher, moi ça ne fait rien, tu peux y aller. Mais maintenant ça va, et dis-moi pourquoi tu fais cette tête-là, comme ça. Mais regarde-moi, t'as les yeux gonflés, je t'ai réveillé, en on t'écrivait à ta bien-aimée. Qu'est-ce que tu caches là, là dans ton tiroir? Eh ben quoi, fais voir. Tu voulais me faire peur. Oh, ce que t'es blagueur. Quelle chance que t'as d'avoir Lucien, un vieux copain comme moi. Moi, je te connais mieux que personne, c'est ce qui t'étonne. En vrai, un autre que moi ne comprendrait pas. Mais moi je devine que tu me taquines. Tu veux peut-être finir ta lettre, je vais le dire aux copains, et puis tu nous rejoins. Quelle chance que t'as, c'est pas pour dire que j'aime bien rire. Crois-moi, un autre que moi aurait marché à ton ciné. Crois-moi, allez au revoir, à tout à l'heure. T'en fais une tête sacrée farceur. Oh non, bien sûr que j'ai pas peur. Toi, y a pas de danger de te voir un jour souffrir et mourir d'amour. Lucien. Eh ben quoi, Lucien? Donne-moi ce que t'as dans la main. Oh, c'est agréable d'être ton copain. Non, Lucien. Allez, viens. Yeah. pulsation rythmique, il y a une pulsation au niveau des verbes, au niveau des mots. Il y a... Et si je suis auteur, ben, si j'écris et si je fais de la mise en scène, c'est parce que j'aimerais transmettre auprès des gens avec lesquels je travaille, hein, les comédiens et les techniciens, cette pulsation du texte que je pense être la plus juste pour être entendu. Et il m'est arrivé une fois, et ben à chaque fois, c'est pas une fois, c'est qu'à chaque fois, quand je fais de la mise en scène, je ne me souviens plus que je suis auteur, je deviens metteur en scène et je découvre mon texte. Alors si ta question c'est est-ce que tu es surpris par tes personnages, je ne travaille jamais avec des personnages, je travaille avec des idées. Les personnages sont des idées, mais jamais, ils n'ont pas d'identité sociale, voilà. Mais oui, je suis... En fait, ce dont je suis émerveillé, c'est de la manière dont le texte dont j'étais à l'origine ne m'appartient plus et appartient à la comédienne. Et c'est par la comédienne que moi, je découvre mon texte. Et c'est ça, et c'est ce changement de paradigme, cette espèce de passage d'une rive à une autre qui me fait voir le paysage dans lequel je suis, je le vois de l'autre rive. Et cette avec autre, un certain recul. Avec le recul et avec la voix de la comédienne. De la comédienne. Et ça, c'est... Tu es ouvert au changement ou si tu es au contraire très arrêté, est-ce que tu as pris à la virgule près? Alors je ne sais pas si c'est un défaut, mais j'écris au cordeau. J'écris au cordeau, vraiment. Est-ce que la comédienne peut arriver à te faire changer d'idée? Non, jamais. Et est-ce que tu peux sentir ce qu'elle dit? Est-ce que tu peux voir qu'elle se sent mal à l'aise de... Non, parce que non. Alors, c'est très. Alors, ça me paraît un peu dictatorial ce que je dis. Et c'est probablement à l'antithèse de ce qui peut se passer dans le théâtre contemporain. Mais cette espèce de métrique que j'ai, cette espèce, oui, de pulsar, tu vois, cette espèce de rythme comme ça, c'est une espèce de cadre qui est extraordinairement strict. Mais qui est tellement strict, et j'ai expliqué les raisons pour lesquelles c'est strict, c'est que le fait de baliser un chemin de façon assez étroite, ça permet à celui qui l'emprunte de ne jamais se perdre. Okay. Le chemin est tracé. Le chemin est tracé. Pourquoi ? Parce que ce qui m'intéresse dans le travail que j'essaie de développer, c'est que moi, je ne passe jamais par le psychologique. Je m'en fous du psychologique. Je m'en contrefous. Un comédien qui va déclamer, suer, être dans une espèce de transe, ça ne m'intéresse pas. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est comment un comédien va suffisamment maîtriser le texte qu'il a pour développer ses propres résonances qui sont subtilement différentes de celles que j'ai impulsées, mais qui va permettre au comédien de transmettre le texte au public. Et qu'est-ce que je fais ? C'est que pour moi, le comédien, la scène, est une espèce de... propulseur et de moyens au public de faire confiance à ce qu'il est pour que le texte soit entendu. Les gens ne viennent pas dans mes spectacles voir une performance sur scène, ils viennent accueillir un texte qui fait écho à leur propre histoire. Alors, par le fait même, tu vois un public qui te suit. Oh, Rénal, je sais pas. Non, c'est très difficile. Non. J'ai pas de fans, j'ai pas de public, je suis pas connu, moi. Je suis pas connu. Donc j'ai pas de... Donc c'est pas juste une live, mais il y a un Québécois à un moment donné qui se présente à Paris, qui veut rencontrer... Non, mais c'est pas... Non, c'est que je suis objectif, c'est que je... Non, non, je ne suis pas connu. Je ne suis pas connu. Voilà. Pourquoi ? Tu ne veux pas ou Ah, ben si, c'est pas une question. Non, non, c'est pas que je veux pas, c'est que... C'est que je suis très peu diffusé. Pourquoi ? Il y a très peu de théâtre. Eh bien, oh, il y a... Bref, je pourrais écrire une thèse là-dessus, je pense. Je pense qu'il y a des... Est-ce que tu dérapes, c'est ça ? Ben, si tu veux, déranger, ça, pour moi, ça fait écho à une espèce d'avant-garde qui n'existe plus dans le théâtre, pour moi. Donc, mais est-ce là... que tu troubles, tu crois, le... Est-ce que quoi ? Est-ce que tu troubles la façon dont le théâtre aujourd'hui non. est présenté ? Non, non, je ne trouble pas le théâtre, je trouble simplement les directeurs de théâtre qui sont, à mon sens, des... frileux. Beaucoup trop frileux, paternalistes. Oui, enfin, je trouve qu'ils sont, ils sont dans ce point précis de, ils sont dans un point de contradiction entre, je pense, les goûts qu'ils aimeraient développer et les responsabilités qui les contraint à une certaine forme de programmation. Et moi, je pointe exactement cet endroit-là. Et donc, je suis à un endroit de déséquilibre pour eux. C'est pas mon travail qui dérange, c'est leur façon d'appréhender mon travail qui ne rentre pas dans les obligations qu'ils ont de présenter un programme. Et au départ, tu étais plus ou moins consacré au théâtre. Je suis pas du tout au théâtre. Non, c'est je suis pas du tout du théâtre. C'est ça ? Non. T'étais un plasticien. J'ai un diplôme d'architecte d'intérieur, mais je suis un plasticien. Je me sens d'abord plasticien. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as voulu faire du théâtre après avoir étudié comme une autre forme artistique? Oui, alors j'ai... En fait, j'ai très tôt... En fait, ce sont des hasards. Des hasards et de l'orgueil. Ok. Le hasard a fait que j'ai été... aux États-Unis, en Californie, pour monter la première fois voilà, des petits opéras de chambre que j'ai montés. Voilà. Et puis j'ai travaillé aussi avec des chorégraphes, avec des directeurs de conservatoires de danse qui m'ont permis de, non pas de réaliser des mises en scène, mais de travailler en tant que scénographe. Et tu n'avais pas de formation alors ? Ah non, j'avais aucune formation. Mais je suis architecte d'intérieur. Mais donc... comment on peut demander à un architecte de faire de la chorégraphie ? Ah non, non, je travaillais pour les chorégraphes. Ah, okay. Je faisais de la scénographie. Ah, okay. Mais okay. Non, c'est vrai que après avoir fait mes études d'archi intérieur, j'ai fait une grosse dépression nerveuse. Et je suis rentré dans un cabinet d'archi, je me suis rendu compte que ça ne marchait pas, que c'était pas. C'était pas mon chemin, c'était pas ma voie, j'avais l'impression d'être à côté de ma vie, et donc sur un coup de tête... Ça c'est dans la trentaine ? Non, j'avais 23 ans. Alors, j'ai décidé de faire de la danse, okay. Et pendant quelques années j'ai fait de la danse classique, la danse contemporaine, et je suis rentré dans les petites compagnies de danse, donc j'ai fait de la danse, à un niveau très mauvais, enfin, pas du tout plastique. Parce que normalement on commence à 12-13 ans. Bah oui, mais mes parents ayant pressenti un certain goût pour les hommes chez moi étant petit, ont voulu me préserver de ce qu'ils pensaient être normal en évacuant tout ce qui, dans leur imaginaire, avait attrait à un développement stéréotypé de l'homosexuel. Et donc, moi je voulais faire de la danse, alors j'ai fait de la gymnastique, mais j'ai toujours voulu faire de la danse. Et puis de fil en aiguille, bon voilà, je vais faire une ellipse, mais en fait, voilà, j'ai décidé par orgueil de monter ma propre compagnie parce que je pensais que j'avais les capacités de le faire. Mais si on regarde l'univers, ce que tu écris, c'est avant tout des mots que tu mets dans la bouche des femmes. Ah, plus que ouais. Les hommes. Mais j'ai jamais écrit pour les hommes. Pourquoi? Est-ce que c'est la femme en toi qui veut parler? ou l'homme en toi qui veut mettre en bouche des... Ah, c'est, je me suis jamais posé la question comme ça. Non, c'est que les hommes m'impressionnent. People are crazy and toxic. I'm on a rage. I used to care, but things have changed. This place ain't doing me any good. I'm in the wrong town, I should be in Hollywood. Just for a second there I thought I saw something move. Gonna take dancing lessons, do the jitterbug rag. Ain't no shortcuts, gonna dress in drag. Only a fool here would think you've got anything to prove. Lot of water under the bridge, lot of other stuff too. Don't get up, gentlemen, I'm only passing through. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. I've been walking 40 miles, a bad road. If the Bible is right, the world will explode. I've been trying to get as far away from myself as I can. Some things are too hot to touch. The human mind can only stand so much. You can't win with the losing hand. Feel like falling in love with the first woman I meet. Putting her in a wheelbarrow and wheeling her down the street. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. I just don't show it. You can hurt someone and not even know it. The next 60 seconds could be like an eternity. Gonna get low down, gonna fly high. All the truth in the world adds up to one big lie. I'm in love with a woman that don't even appeal to me. Mr. Jinx and Miss Lucy, they jumped in the lake. I'm not that eager to make a mistake. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. Écoutez Errance Rinaldienne sur CKRL-MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagné. What's the matter with me? I don't have much to say. Daylight sneaking through the window and I'm still in this old night cafe. Walking to and fro beneath the moon, out to where the trucks are rolling slow. To sit down on this bank of sand and watch the river flow. Wish I was back in the city instead of this old bank of sand, with the sun beating down over the chimney tops and the one I love so close at hand. If I had wings and I could fly, I know where I would go. But right now I just sit here so contentedly and watch the river flow. People disagreeing on just about everything, yeah, makes you stop and wonder why. Why only yesterday I saw somebody on the street who just couldn't help but cry. Oh, but this old river keeps on rolling though, no matter what gets in the way and which way the wind does blow. And as long as it does, I just sit here and watch the river flow. Et ce que j'évacue, c'est tout rapport de séduction qui pourrait naître. Okay. Et du coup, comme je ne veux pas ça, et que le rapport avec les femmes d'emblée assaini, et que je trouve leur rapport au travail parfois plus engagé, plus sérieux, plus professionnel. Je ne dis pas que les hommes ne sont pas professionnels. Mais je me sens plus en... J'ai plus de résonance, étonnamment, avec les femmes qu'avec les hommes. Parce que je crois, pour l'avoir vécu, qu'un homme qui fait du théâtre, en tout cas pour certains, c'est lié à une certaine disposition à présenter sur scène ses couilles. Et sa testostérone. Okay. Et les rapports de force, moi, c'est quelque chose qui me... Il semble que ça ressemble à Pierre Arditi, rapidement, comme ça. Non, j'ai l'image de Pierre Arditi, un peu. Les rapports de force entre mecs, les combats de coqs, j'en ai rien. Je laisse ça à ceux qui s'amusent. Moi, Et comme, du coup, je supporte pas ça. Et qu'à partir du moment où je pressens poindre ce genre de relation, plutôt que de me gonfler, d'abord je m'aplatis et je m'enfuis. Ce qui fait qu'à la fin, je... Est-ce que lorsque tu écris, c'est les mots qui amènent les idées? C'est les mots qui amènent les idées. Ou si tu sers les idées Non. Non, alors je vais te répondre. En fait, je n'ai jamais d'idée préconçue de ce que j'écris. Okay. Je me laisse. En fait, je me laisse sombrer. Je me laisse envahir, je me laisse submerger, je me laisse guider par quelque chose que je pressens, que je ne sais pas nommer, qui me traverse. Et je suis juste là pour témoigner de cette espèce de traversée qui a imprégné en moi des résidus de quelque chose qui m'échappe. Quels sont les thèmes qui t'attirent, qui t'étonnent? Mais, oui. Qui me répugnent. Ou qui t'attirent. Alors, il y a une chose que je trouve extraordinaire, c'est que j'aimerais beaucoup réussir à faire un théâtre politique. Mais que je crois que le seul moyen de faire un théâtre politique, c'est de faire de la poésie. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus politique que la poésie. Mais Ferré le savait très bien. Ouais, sauf que moi je suis pas un militant. Alors que Léo Ferré, lui, l'était. Il était engagé. Moi je pense que je n'aime pas les choses frontales. Et que je pense que c'est par le fait d'introduire comment dire. Comment dire, je sais pas, j'arrive pas à d'ensemencer une idée. Parce que quand on fait de la politique, la seule attitude qu'il peut y avoir dans un rapport comme ça politique, c'est un rapport souvent binaire. C'est-à-dire, je suis contre, je suis pour. Et cette espèce d'attitude binaire, pour moi, elle appauvrit. Parce qu'elle ne dégage chez l'individu qu'une réactivité. Or, je pense que le théâtre... C'est un point de réflexion. Voilà. Or, je pense que le théâtre politique est celui qui va réussir non pas à développer la réactivité, mais à ensemencer une idée. Et que le seul moyen d'ensemencer une idée, ça n'est pas de réagir, mais c'est d'être à l'écoute. Et que le seul moyen où l'écoute peut être la plus totale, c'est dans la disposition de celle que l'on développe lorsqu'on est dans une attitude d'acceptation et de réception de la poésie. Et que l'idée ne chemine qu'à partir du moment où l'esprit est ouvert. Voilà. Et en cela, j'aimerais faire des choses politiques. Là, je suis en train de travailler sur quelque chose qui est imminemment poétique. Mais peut-être que le magma qui travaille, il y a quelque chose qui peut s'apparenter à de la politique. Mais je trouve qu'une des plus belles pièces politiques que j'ai vues, c'est une pièce de Philip Kane, qui est le directeur du théâtre des Amandiers, qui a fait une pièce... qui semblait naïve, qui semblait infantile, et qui pour moi résonnait de façon extraordinaire, parce qu'elle ne parlait que de la perte de la beauté. Voilà. Et ça, c'était... ça s'appelait Swamp Lake, je crois. C'était son avant-dernière pièce, je crois, qui est une histoire avec une petite taupe qui sort de son terrier quand il y a des alertes, et les alertes ne s'enclenchent qu'à partir du moment où la beauté est en danger. Voilà. Et ça, pour moi, c'est une des pièces les plus politiques qui soient, parce qu'elle, justement, elle passe par la poésie. Et elle passe pas uniquement par le vers. Non. Voilà. Comment tu écris ? Je me rends disponible. Comment tu peux arriver à l'être disponible, solitude, silence. Un endroit précis ou n'importe où. Je crois que c'est aussi une espèce de propension à à s'externaliser du monde. Et en même temps, en s'externalisant du monde, on a l'impression d'être au cœur du monde. Oui. Voilà. Oui, parce que tu le mets en scène. Parce que... Le recréer sur papier. Je sais... Oui, peut-être, je sais pas. Je me rends... Enfin, j'écoute, en fait, ce qui me traverse. Lorsque tu es en mode créatif, lorsque tu sens que tu veux pondre quelque chose sur papier, est-ce que tu es... Est-ce que tu es vivable? Ben, j'en sais rien parce que dans ces moments-là, je suis seul. Mais un peu avant, est-ce qu'on peut sentir que, oh là là, on va le laisser tranquille parce qu'on on voit bien que... Oui, je pense qu'il y a, une fébrilité. Il y a une fébrilité, il y a une vulnérabilité qui se développe. Et lorsque tu es en mode créatif, vois-tu que tu empruntes le bon chemin ou si tu peux reprendre plusieurs fois? Mais je reprends mais 100 fois, 150 fois, 200 fois. Parfois, il m'arrive de, pendant deux jours de reprendre une phrase. Et comment tu te sens là-dedans? Est-ce que tu te dis, ouais, je pense que j'ai pas trouvé le bon chemin? Non, j'attends. Okay. J'attends que ça sonne. OK. Puis comment tu fais pour attendre la sonnerie? Qu'est-ce que tu... Mais ça, c'est un mystère. Okay. Il y a des... Okay. Là, tu prépares une tisane, tu te mets, je sais pas, tu prends un bain, tu relaxes, tu J'attends. J'attends, puis quand je sens que je sature, je vais marcher, je reviens. Prends-tu un magnéto, prends-tu des... OK. Le matin, le soir, la nuit? Non, je sais pas. Non, dans la journée, j'ai pas de... Non, c'est moins une heure qu'une aptitude à l'écoute, en fait. Mais la durée est-tu frénétique? Est-ce que non. Tu... Non. Je suis très calme. Très, très calme. Et lorsque tu te prépares à écrire, est-ce que c'est un besoin? Ah oui. Qu'est-ce que c'est un besoin? Il y a comme un trop-plein, puis là tu... Non. Est-ce que c'est un besoin? Non. Non. C'est pas un besoin. C'est pas vital pour moi. Back, walk us back. même s'il y a parfois des baisers au creux des bras, suc échangé. Tout ça ne fait pas une vie. Voilà pourquoi ils sont partis pour un nouveau jour de prière, décidés à le faire et le refaire. Tremblant et couvert d'échymose à l'idée d'être quelque chose, ils partent traquer sans relâche la beauté là où elle se cache, sans trace de ce qu'ils ont commis. À l'aurore, ils seront partis comme des ombres dans la nuit, prêts à perdre la raison, prêts à tuer pour une chanson. Face au monde bouche bée, prenant tout ce qu'il offrait. Cinq, le numéro parfait. Cinq faux frères en cavale que l'on perd à la fin du bal. La brute et les truands ont délaissé les vies d'avant. De toutes les façons, ils s'enivrent de la joie, la joie du simple fait de vivre comme les ombres dans la perdre la raison, la tuer pour une chanson, face au monde bouche bée,